Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, Edward Norton face à Colin Farrell. Dans la famille Tierney, on est policier de père en fils. Pour ce clan, le code d'honneur et l'esprit de famille ne font qu'un. Pourtant, face au meurtre qui ébranle toute la police de New York, chacun va devoir choisir son camp. J'étais un homme bien autrefois. Joyeux Noël ! Et voilà ! J'ai créé un article, un flic héroïque capture un tueur. J'ai eu de la veine. Non, ça n'a rien à voir. Tu as l'instinct qu'il faut et le talent qu'il faut. Quand on était petits, on rêvait tous de devenir flic. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. Je t'aime, Ray. Il y a eu une fusillade, deux policiers morts et deux autres grièvement blessés. Personne n'est à blâmer. Personne n'aurait pu faire quoi que ce soit. Les hommes qui ont été tués étaient sous les ordres de ton frère. Tu connais ce quartier comme ta poche, non ? Ouais, je l'ai beaucoup parpenté, papa. Et alors ? Tu veux que je te fasse un dessin ? Trouve ceux qui ont tué nos hommes. Tu crois que ça s'est passé comment ? Vu comment ça s'est passé, ce tireur n'a rien d'un amateur. J'ai interrogé cette fille, Lisette. Elle dit que c'était un flic. T'es sûr que t'as rien à me dire, Jimmy ? Si mes hommes étaient mouillés, je serais au courant, crois-moi. Bon, surtout, tu en dis le moins possible, ok ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Le prix de la loyauté, un film de Gavin O'Connor avec Edward Norton, Colin Farrell, un DVD métropolitain.